J'ai serré d'elle la peine, gros blat, j'ai vu pas fou la peine. Ils ont fait maman, yo la peine. Vous connaître plus qu'un ciel arrive, pas d'hésitation, temps aride. Dès la fuite, vine stratégique, les veines de long griffe la vide. Les boys qui panique, fight en les yo, sorti quoi yo strong, les yo à 10. Les gel frenchy en les outils, yo pas arrêté cheap. L'homme pas en fatalité, mais on veut tout à d'autres horizons. On peut pas chiller devant personne. Petit con grand garçon, toujours du bout derrière chaque tir. Qu'on met châssis en bonne. En victoire, pas qu'agressif, mais quand y garçon en sel round. Allez, y'a c'est tout, mais faut que je verrai assez bon, c'est le pack à séparer, man. L'homme a dit un brave head up. Chaque jour, y'en dit nous pouvons mais pas échapper à la fatalité. Jamais ne faillit qui a pénurie de pis. J'ai conscience des faillants, mais pas ni rivalité. Chaque jour, y'en dit nous pouvons mais pas échapper à la fatalité. Jamais ne faillit qui a pénurie de pis. J'ai conscience des faillants, mais pas ni rivalité. Laissez-moi dire. Pour mon nez, ça y est, y'en l'arri là. C'est messieurs qui a joué, y'en calé, y'en coco, y'en pour ma fille, y'en l'arri là. Top 5 a coulé, y'en pas ni d'autres domaines. Apparemment, y'en pas jamais trappé, y'en balance à domaine. Y'en dit, y'en bad boy, pas sans coup, y'en ni bandana. Mais tout le monde, j'a condamné, y'en les fucking na tête là. Me défendre, moi parler, moi j'en ai l'envie de démarrer. Faut pas y'en dépaler, parce que messieurs qui a fait moi marrer. Y'en tombé là, y'en tempéré, moi qui a déclenché qu'on est tempéré. Moi s'en foutait des sorpédés. Moi qui a fait la vie, y'en capote, moi pour j'ai répit chao comme un jaco guéri. Faut me calmer moi, parce que pas y'a mêlé mon guéri. Chaque jour, y'en dit nous pour tomber. Mais pas échapper à la fatalité. Jamais ne faillit qui a pénurie de pis. J'ai conscience des faillants, mais pas ni rivalité. Chaque jour, y'en dit nous pour tomber. Mais pas échapper à la fatalité. Jamais ne faillit qui a pénurie de pis. J'ai conscience des faillants, mais pas ni rivalité.